Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Daniel Hivernel lit « Les contes du matin » de Charles-Louis Philippe. Daniel Hivernel, vous avez choisi de nous lire un conte de Charles-Louis Philippe. Qui était Charles-Louis Philippe ? Charles-Louis Philippe était un auteur de la fin du 19e siècle. Je l'ai lu tout à fait par hasard quand j'avais 13-14 ans. C'est ce qu'on appelait des naturalistes, enfin. C'est un peu comme Zola. Mauriac, Gide en faisait grand cas, hein, de cet homme. Et j'ai, à 13-14 ans, oui, ça m'a frappé. C'est pour ça que, comme m'a demandé l'autre jour de lire quelque chose, ça m'est revenu. Voilà, Charles-Louis Philippe. Ben, je peux vous dire, d'ailleurs, ça vous donne une idée de ce qu'il écrivait. Les écrivains qui m'ont précédé sont tous de classe bourgeoise. Je ne m'intéresse pas aux mêmes choses qu'eux. Je sens, autant qu'il est possible, les souffrances des plus humbles classes, et mon âme est venue toute seule, au bout de mon bras, avec mon pain quotidien. Vous voyez le genre d'homme que c'était. Alors, je crois qu'il est né en 1874, il est mort tout jeune, hein ? Oh oui, 35 ans. 35 ans, je suis en train de chercher là-dessus. Oui, bien, à 35 ans, il est mort. Écrivain français, né et mort à Sérillier, Allier. Je le dis parce que les gens ne le connaissent pas beaucoup. 4 août 1874, 31 décembre 1909. Seul Gide, Valérie Larbaud et Guillaume représentèrent à ses funérailles. Ce Paris littéraire où il avait abordé, âgé de 20 ans, venant de Moulins, où il avait fait ses études pour y occuper jusqu'à sa mort, un très modeste emploi municipal. Et qui vous avait donné ce livre? Vous vous en souvenez? Oh, ça doit être mon grand-père ou une chose comme ça, vous savez. Parce que comme il était beaucoup moins connu, enfin même pas du tout connu par rapport à Zola et aux autres, a fallu que quelqu'un... Mais je crois que Gide en a beaucoup parlé à un moment, et puis... Et comment se fait-il que ce livre était dans la bibliothèque de votre grand-père? C'était quelqu'un qui lisait beaucoup, votre grand-père? Ou... Il était facteur, mon grand-père. Oui, c'est vrai, mon grand-père était facteur, et je ne sais plus l'éducation... Oh, il avait dû être à l'époque, il avait dû avoir le certificat d'études, mais un certificat d'études à l'époque représentait largement le bac d'à présent, hein, parce que les professeurs d'école, à cette époque-là, devaient beaucoup, beaucoup, beaucoup instruire les élèves. C'est-à-dire que mon grand-père, ça a dû lui être transmis par un professeur qui avait, sinon connu, mais qui avait vécu à la même époque que Charles-Louis Philippe. C'était sans doute un professeur rouge. Non, rouge, or, je sais pas, républicain, quoi. Non, il était très républicain, très, très croyant de la République, comme les curés étaient croyants de la religion. Les petits chiens. Si Roussel avait su, il eût accepté son sort. Certes, en temps d'orage, l'eau tombait chez lui, les carreaux de son logement étaient descellés, la cheminée était en si mauvais état que le poêle qu'il avait installé pour se passer d'elle fumait aussi. Bien entendu, c'est quand il pleuvait que les fenêtres ne fermaient pas. L'escalier n'était éclairé que jusqu'au troisième. On courait le risque de se casser une jambe, de passer 40 jours à l'hôpital et de ne pas même pouvoir payer son terme. Les cabinets étaient dans un tel état qu'il avait dû acheter des sabots pour que sa femme et lui puissent y aller, et un seau pour les enfants, qui vraiment y eussent couru de grands dangers. Roussel eut tort. La maison était vieille, il eût fallu l'abattre. On ne peut pas demander aux propriétaires d'abattre leur maison. Un jour, il s'était mis en colère. Je donne congé, il y a d'autres propriétaires. Il y avait en effet d'autres propriétaires. En tout cas, Roussel ne put jamais savoir comment l'on était chez eux. Il y eut toujours un premier point sur lequel ils ne s'entendirent pas avec sa bourgeoise lorsqu'elle alla visiter des logements à louer. Roussel avait 5 enfants. Il se trouva que partout, s'il n'en avait eu que 4, on eût déjà fait beaucoup d'observations. La bourgeoise à Roussel finit par dire « C'est ça, je repasserai après le choléra. » « Nom de Dieu, dit un jour Roussel, tu n'as qu'à aller dans les grands quartiers et dire que tu as 5 chiens. » Maintenant, il s'était étonné non pas de ne pas trouver de logement, mais d'avoir pu rester 8 ans dans la même maison. Peut-être cela tenait-il simplement à une chose, c'est que lorsqu'il s'y était installé, il venait de se marier et n'avait pas d'enfants. La femme dit « Me voilà donc obligée de les renier. » Elle fit ce que son homme lui avait recommandé. Elle quitta le fond de Montrouge et choisit du côté du Lion de Belfort une maison avec des balcons de pierre dont la porte était dorée et dans laquelle les fenêtres, pour sembler plus riches en vitres, étaient divisées en petits carreaux. Un médecin, un architecte et un dentiste l'habitaient. Elle fit comme eux et ne se gêna pas sous le rapport du luxe. « J'ai 5 chiens, 5 petits chiens de riches avec des paletots. » Et à une observation que, sur leur propreté, lui fit la concierge, elle répliqua « C'est une comtesse qui me les a donnés. » Le jour de l'emménagement fut un beau jour. Ils avaient bien fait de louer une belle maison. Il y avait un tapis jusqu'au 5e. Et à cet endroit, on était si content d'habiter une maison avec un tapis qui n'avait pas été nécessaire que celui-ci monta plus haut. Aussi, l'escalier était-il nu. Au 6e, ils eurent un logement de 2 pièces. On gagne toujours à avoisiner avec les riches. Pour le cas où ils se tromperaient d'étage, le propriétaire avait fait faire un 6e clair et propre. La vue en était belle. Il fallait bien que le 6e regardât devant lui comme les autres étages. Le logement de Roussel donnait sur le cimetière Montparnasse. Il y eut un moment désagréable, ce fut lorsqu'il s'agit de faire monter les enfants. On attendit la nuit. Ils restèrent tous les 5 au coin de la rue. On leur avait dit « Vous êtes des petits chiens ». La mère vint les chercher un à un et les emporta dans son tablier. Ils se ramassaient sur eux-mêmes pour occuper moins de place. Le 5e, qui avait 7 ans, était trop grand pour pouvoir tenir dans un tablier. La mère descendit un drap et l'enveloppa dedans. Il avait eu bien peur pendant qu'il avait attendu tout seul. Le premier jour, on décida de rester tranquille. Avec un vieux pantalon de leur père, la mère avait fait des chaussons aux petits. Ils n'en avaient jamais porté. Et comme on leur avait dit qu'avec des chaussons, on fait peu de bruit, ils s'exercèrent à faire le moins de bruit possible. Ils étaient bien heureux d'être des petits chiens. Leur seul ennui était de ne pas avoir 4 pattes, du poil et des grandes oreilles. « Ça vous poussera si vous êtes bien sage, » dit la mère. Ils étaient impatients et se touchait souvent la peau pour voir si la transformation commençait. Ils se réjouissaient particulièrement lorsqu'ils constataient que le bout de leur nez était déjà froid. L'après-midi, pourtant, fut assez long. C'étaient des petits enfants qui avaient l'habitude d'aller à l'école. Ils savaient que l'on joue avec toutes sortes de camarades, tandis qu'avec ses frères et sœurs, on se dispute. Il y en avait toujours 4 qui gênaient le 5e. La mère eut beaucoup de mal à maintenir la paix. Et elle ne le fit qu'en disant « Le premier qui crie ne sera plus un chien. » Le second jour ne se passa pas trop mal. La mère inventa un autre jeu. Les petits au réveil étaient tristes et demandaient « C'est pas vrai qu'on est des chiens ?» dit maman. Elle leur répondit « Mais non, vous êtes des petits enfants. Et si vous voulez voir quelque chose de beau, vous allez vous mettre à la fenêtre et regarder le cimetière. » Il l'avait déjà vu la veille, mais sans s'y prendre garde parce que les chiens ne font pas attention aux beautés naturelles. C'est un bonheur qu'il y ait tant de morts au monde, car le cimetière était grand. Il s'apprête que le vrai ciel est beaucoup plus vaste que celui que l'on voit entre deux rangées de maisons. Ils avaient déjà remarqué cela plusieurs fois lorsqu'ils étaient allés se promener le dimanche au parc Montsouris. Mais s'en fussent-ils souvenus qu'ils eussent volontairement oublié leurs souvenirs pour trouver le cimetière encore plus beau. Et puis, il contenait des oiseaux. Les oiseaux qu'ils avaient vus auparavant dans la cour de l'école étaient des oiseaux en maraude. Ils ne restaient pas longtemps, ils disparaissaient soudain. Où s'en vont les oiseaux quand ils partent? Ils rentrent chez eux. Mais où habitent donc les oiseaux? Ils apprirent que les oiseaux habitent le cimetière Montparnasse. Ce ne fut que beaucoup plus tard qu'ils demandèrent ce que c'est qu'un cimetière. Leur pauvre mère ne se faisait pas à l'idée d'avoir dit que ces petits étaient des chiens. « Un cimetière, répondit-elle, c'est là où l'on met les morts. Regardez sans crainte, mes petits. Il n'y a que les morts qui ne fassent pas de mal aux enfants. » Ils s'aperçurent qu'un cimetière contient des pierres blanches et des petites maisons. Ils eussent bien voulu demeurer dans l'une d'elles, mais pour cela, il aurait fallu qu'ils fussent des morts. Ils en parlèrent à leur mère qui dit « Ça vaudrait bien mieux, en effet. C'est la seule façon d'être tranquille en ce monde. » Ils avaient fini du reste par comprendre qu'ils n'étaient pas heureux. Et plus encore par deviner qu'ils avaient été des chiens, puis avaient vécu auprès des morts, simplement parce que les hommes sont méchants. Si bien que vers le soir, il arriva à l'aînée qui était une fille. Une horrible aventure. La mère venait de décider que l'un des enfants pourrait, à condition de ne pas faire trop de bruit, mettre les pieds dans le couloir. Elle envoya l'aîné à la fontaine pour y chercher de l'eau. Elle lui dit « Si tu rencontres quelqu'un, reviens. » Elle revint en effet bien vite, toute pâle, le cœur battant, la bouche ouverte et pleine de mots si terribles qu'elle ne pouvait les sortir. Elle avait rencontré un homme. La langue lui sortait de la bouche et il sifflait comme un serpent. Il avait des yeux rouges et l'avait regardé pour la changer en pierre. Il avait 14 dents de chaque côté de la lèvre et voulait la manger. C'est sous cet aspect que maintenant les enfants Roussel voyaient les hommes. Le troisième jour, rien ne put les distraire. On eût dit qu'ils savaient. Ils restèrent assis tous les cinq. Ils baissaient les yeux, regardaient leurs petites mains, leurs pieds, leurs jambes. Ils sentaient obscurément qu'ils n'avaient pas le droit de posséder un corps. Ils avaient honte de tout ce qu'ils apercevaient sur eux-mêmes et se rétrécissaient, se repliaient vers leur centre pour exister le moins possible, pour être tout au plus un petit point qui ne gênerait personne. Ils n'y arrivaient pas et pleuraient. Ils pleuraient en silence. Et celui dont les larmes entraient dans la bouche les avalait sans se plaindre. Roussel finit par ne plus se connaître. Il décida ceci. Le soir après la soupe, ils allaient tous descendre, le père, la mère et les cinq enfants, et faire dans l'escalier autant de bruit que sept personnes en peuvent faire. Ils arrivèrent près de la loge du concierge. Elle ressemblait à un bureau de commissaire de police. Ils se campèrent et tous ensemble se mirent à pousser ce cri. Vive la sociale! Le concierge et sa femme sortirent en entendant cela. Le concierge avait l'air d'un soldat, car les riches sont tous officiers. Roussel n'attendit pas qu'il fisse une observation. Il dit à ces deux personnes, bien qu'elles ne fussent que deux, « Tas de larbins, vous ne risquez pas d'en avoir, ça déplaira à vos maîtres. Moi, au premier mot que vous dites, j'en fais trois de plus. » Le concierge était furieux et dans un seul mot traduisit son sentiment. Il dit « Cochon !» On ne sait pas si c'est parce qu'il avait prononcé ce mot imprudent et qu'il craignait d'être blâmé par le propriétaire. Toujours est-il que Roussel ne fut jamais inquiété et qu'il décida, en payant son terme bien entendu, de rester aussi dans la maison pendant 8 ans. quand vous avez relu Les Petits Chiens, vous avez commencé à le lire et vous êtes esclaffé tout de suite, vous connaissiez l'histoire encore par cœur. Ah oui, ben vous savez, ça, d'abord, ça doit vous faire ça à vous aussi, ce que vous avez lu à 13 ans, il vous reste des trucs comme ça. Après, à 17 ans, c'est les Contes des Mille et Une Nuits, ça je connais ça par cœur. Les Contes des Mille et Une Nuits, ça, quand j'avais 13 ans, Les Petits Chiens, ça m'avait frappé. Il y a un autre conte aussi dont je vous avais raconté l'histoire, j'ai lu à même époque. L'histoire d'un petit garçon qui habite rue de Charonne, enfin, vous voyez, dans ses appartements qui étaient des taudis, quoi. Et puis un jour, quand même, il a une grand-mère à la campagne, et les parents l'envoient pendant le mois d'été à la campagne. Il passe un mois à la campagne, et il découvre ce qu'est un ruisseau, l'herbe, une vache, les lapins, les terriers. Il découvre tout ça, il passe un mois divin, et on le ramène rue de Charonne. Et il veut plus y rester. Et il avait repéré la gare. Et il va à la gare. Et puis, comme il sait pas où habite sa grand-mère, ben, il part à pied en suivant la ligne de chemin de fer. Je trouve ça fantastique. Est-ce qu'il va trouver la bonne ligne qu'il mènera chez la grand-mère? On ne le sait pas. Mais en tout cas, ça se termine comme ça. Il s'en va à pied. En 1900, une ligne de chemin de fer, on pouvait la faire à pied. Elle n'était pas électrifiée. Quel est votre premier souvenir de livre? Non, je ne me souviens plus des tout premiers livres. Je sais que pour faire du théâtre, je sais d'où ça vient par contre. Quand j'avais aussi 13-14 ans, j'ai vu en Normandie, j'habitais près de Gisors, et j'ai vu un théâtre en toile, un théâtre forain à venir. Et j'ai trouvé ça divin. Moi, il jouait les cloches de Corneville, ça me reste. Il jouait une opérette, et j'ai trouvé ça fabuleux. Je me suis dit, oh, c'est bien ça. Parce que ce que je voulais pas être dans la vie, c'était un adulte. Ça, je sais bien d'où ça vient, mon truc. Je suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de gens qui échappent à ça. Ils peuvent devenir marins. Ils veulent échapper au fait d'être adulte. Et moi, j'ai jamais joué des rôles d'adulte. J'ai toujours joué des rôles qui n'ont jamais dépassé 18 ou 20 ans dans la tête. Puisque là, je viens de jouer le roi semeur de UNESCO. Il en a 60, mais sa tête en a 20. Et j'ai jamais joué des pères de famille, je ne jouerai jamais des financiers, des gens. Mais enfin, les adultes, ça m'ennuie. J'ai fait du théâtre pour. Là, je suis venu ici, je suis revenu dans mon adolescence, où m'avait ramené à mes 13-14 ans maintenant. Et vous ne vous souvenez pas des livres de quand vous étiez plus petit? Parce que là, vous aviez quand même 13 ans. Est-ce qu'on vous racontait des histoires tout petit? Oh oui, ma grand-mère devait me raconter, vous savez, à la campagne. Ce que j'ai dû lire beaucoup, c'était les calendriers des postes, puisqu'il était postier. Ça, je me souviens pas, mais je m'en doute. J'ai quand même des souvenirs comme ça, du truc de Millet, comment ça s'appelle, l'Angélus, voilà. Ça vous dit quelque chose, non? Bon, alors l'Angélus de Millet, oui, ça doit être à peu près ça. Mais mes premières lectures, ça y est, maintenant, je vois bien que c'était les calendriers des postes, qui étaient très, très, très jolis, hein. Et puis, en dehors de ça, ma vie, c'était dans la campagne, dans la forêt, dans les plaines, dans les trucs. Mais, en plus, j'ai jamais eu de copains, ni filles, ni garçons. J'étais tout seul, comme un sauvage dans les bois. Vous n'aviez pas de frères et sœurs? Vous étiez un enfant unique? J'ai deux frères. J'ai deux frères, oui. Vous ne jouiez pas avec eux? Non, c'est pas qu'on s'aime pas, hein, mais non. Non, puis j'avais ni copains, ni garçons, ni filles. Je vivais dans les bois comme un vrai sauvage et je suis passé de là au théâtre. Et puis la solitude d'un comédien sur scène, c'est exactement la même chose. Et puis pour faire du théâtre, par exemple, il y a des gens qui vous disent faire du théâtre, faut avoir du culot. Les gens qui ont du culot au théâtre, ils n'ont pas de talent. Les gens qui ont du talent sont des timides. En fait, tous mes camarades que j'ai vus ou que j'ai fréquentés sont des gens pudiques. Et c'est une solitude, le plateau. D'abord, c'est une trouille, hein, une telle peur. Puis je vous dis, vous nous regardez, mais nous, on n'est pas là pour se faire regarder. Un acteur qui vient pour se faire regarder, il n'est pas bon. Ça, j'en suis certain. Si j'ai bien compris, quand vous étiez petit, vous étiez plutôt du genre à vous promener dans la forêt, plutôt que du genre de petit garçon qui reste à la maison. Non, je traînais tout le temps dehors. Même la nuit, et puis j'avais peur parce que j'avais les chiens aux fesses. Ça, je me souviens souvent que quand je rentrais trop tard, il y avait les chiens des fermiers qui me cavalaient après, hein, j'avais peur. Ma petite enfance était faite d'angoisse aussi, et puis surtout de solitude. Puis c'est beau la Normandie, c'était le Vexin, c'était le bord de la Normandie, Gisors, mais c'est très beau. Mais chacun vous racontera sa petite enfance. Ce qu'il faudra plus tard, c'est de ne pas l'oublier. La rencontre. Il la dépassa, puis il crut dans sa naïveté qu'il n'avait qu'à s'arrêter à une devanture et qu'elle viendrait se camper auprès de lui. Elle n'en fit rien et continua sa route. Alors il se décida à l'aborder. Elle fut aussi mauvaise qu'elle l'avait été dans les derniers temps. Elle joua la surprise et fit « Tiens, on m'avait dit que tu étais mort. » Du coup, il fut atrocement vexé. S'il avait été mort, elle eût continué à vivre comme si rien n'était arrivé. Elle était très élégante. Il n'eût pas su dire si le manteau qu'elle portait était un manteau de loutre, de lapin ou d'astrakhan. Il ne connaissait même pas la nature des vêtements qu'elle se mettait sur le dos. Il eut presque regret de l'avoir abordée et se sentit tout de suite peu de chose auprès d'elle. Il essaya de la plaisanter. Tu as l'air de faire tes affaires, elle répondit. Ma foi, tu as bien fait de demander le divorce. Ça m'a réussi. Pendant un moment, il marcha auprès d'elle comme un niais. Il avait l'air de la suivre. Elle ne l'y encourageait pas. Il avait l'air d'un homme qui importune une femme qu'il vient de rencontrer dans la rue. Et comme il lui demanda « Qu'est-ce que tu deviens ?» Elle continua sa route en disant « Tu vois, je marche. » Ce fut ainsi qu'ils arrivèrent à la place de la Bastille. Au milieu du trottoir, il fallait qu'il traversât vers la droite pour aller à la gare prendre son train. Il fit un mouvement dans cette direction. Elle lui montra la gauche et dit « Moi, je vais par là. » Elle s'arrêta par politesse au moment de le quitter. Elle lui montra avec une certaine ostentation qu'elle était bien élevée. Il ne sut pas comment lui dire au revoir. Elle lui put raconter qu'il avait couru après elle et qu'elle l'avait repoussé. Un café était en face d'eux. Ce fut pour qu'elle ne pût pas se vanter de pareilles choses qu'il proposa. « Si tu n'es pas trop pressé, on pourrait entrer ici. » Elle éclata de rire, réfléchit un moment et finit par s'écrier « Je veux bien parce que ce sera amusant. » Ils entrèrent, ils s'assirent l'un en face de l'autre. Ils attendirent qu'on leur servît un quinquina. On le leur apporta. Se passa alors un singulier phénomène. La femme surtout ne s'y attendait pas. L'homme trouva tout de suite sous sa langue les mots qu'il employait autrefois avec elle. Il avait l'habitude, lorsqu'il rentrait chaque soir à 6 heures après avoir passé l'après-midi à son bureau, de l'aborder en lui demandant « Et alors ?» Cela voulait dire « Et alors, qu'est-il arrivé pendant mon absence ?» Il y avait 8 ans qu'il ne s'était vu. Comme il ouvrit la bouche, il en sortit 2 mots. « Et alors ?» Jamais d'ordinaire, il ne les employait avec une autre femme. Elle ne put s'empêcher de sourire et de faire un petit signe de la tête en reconnaissant les 2 mots familiers. Pour elle, il lui arriva une aventure du même ordre. Elle avait coutume, lorsqu'il sortait, de l'inspecter des pieds à la tête, puis de corriger les défauts de son habillement. Il aurait toujours été fait comme 4 sous, si elle n'y avait pris garde. Malgré elle, son œil le parcourut et elle dit « Je vois que tu n'as pas encore pu apprendre à nouer les cravates. Allons, penche-toi un peu sur la table. Je m'en vais attacher la tienne. » Il rit. C'était vrai. Il portait sa cravate n'importe comment. Il se pencha, elle la lui attacha avec un grand soin. Il se regarda ensuite dans la glace du café et elle ajouta en riant « Eh oui, c'est très drôle. Ça me gêne encore de te voir mal habillé. » Ils n'éprouvèrent plus aucun sentiment d'embarras. Il lui dit tout ce qui lui était arrivé pendant ces 8 années, comme il lui disait autrefois ce qui lui était arrivé l'après-midi. Il s'était remarié un an après le divorce. Il avait deux enfants, deux petites filles. L'aînée avait 6 ans et la seconde en avait 5. Il avait toujours son emploi. Il habitait Saint-Mandé. Lorsqu'il l'avait rencontré, il s'en allait à la gare du chemin de fer de Vincennes pour prendre son train. Quand il eut raconté cela, il eut raconté toute sa vie. Il se tut. C'était curieux tout de même. Plus il la regardait, plus il s'apercevait qu'il ne l'avait jamais bien vue. Du temps où ils étaient mariés, il avait toujours cru qu'elle avait les yeux bleus. Depuis le divorce, lorsqu'il pensait à elle, il ne savait pourquoi, il s'imaginait qu'elle avait les yeux gris, gris clair, de beaux yeux. Ma foi, on sentait qu'elle n'était pas bête. Il lui fit part de ses constatations. Elle dit en riant, « Tu vois, tu ne m'as jamais comprise. » Elle s'intéressait à tout ce qui lui était arrivé. Pour s'en faire une idée plus juste encore, elle demanda, « Et ta femme, comment est-elle ?» Il finit par lui répondre, « Veux-tu que je te dise, Alice, on n'a qu'une seule femme, c'est la première. Ensuite, on en épouse une autre rien qu'à cause de la cuisine et pour avoir des enfants. » Comme il fut triste après avoir prononcé ces mots, comme ils auraient pu être heureux si elle l'avait voulu. Il en parla, il dit « Ah, pourquoi m'as-tu tant trompé ?» Chose singulière pour lui qui la connaissait, qui avait remarqué dans les derniers temps de leur vie commune qu'elle s'entêtait dans le mal et qu'elle voulait toujours avoir raison. Elle lui répondit avec douceur et franchise, « Que veux-tu ? J'avais 8 ans de moins qu'aujourd'hui. On est bête quand on est jeune. » Elle fut gentille comme dans les premiers temps de leur mariage, où elle avait très bon cœur et où on pouvait toujours la prendre par les bons sentiments. Il lui demanda, « Tu ne m'as pas dit ce que tu avais fait pendant ces 8 années ?» Elle répondit, « Mon pauvre ami, tu ne voudrais pas que je te le raconte. Tu sais bien ce que peut faire une femme divorcée. » Il lui dit alors, « Ce qui me console, Alice, c'est que tu n'es pas dans la misère. » Ils furent deux bons amis bien tristes, de chaque côté de la table du café. Elle lui fit des excuses. « Faut pas m'en vouloir si je t'ai mal reçu lorsque tu m'as adressé la parole. J'ai fait la fière. » Il aurait bien mieux valu, en effet, que je ne te réponde pas. Tu vois, nous avons eu tort. Maintenant, nous allons être malheureux en pensant l'un à l'autre. Ils n'eurent pas le temps, d'ailleurs, de parler pendant longtemps. La pendule du café finit par marquer 7h30. Elle ne voulut pas être pour lui une cause d'ennui. Elle dit, « Je ne te retiens pas, Paul. » Ta femme serait inquiète. » Il répondit, « Ah oui, la pauvre femme. Elle le serait bien davantage encore si elle savait à quoi je pense ce soir. » Ils se serrèrent la main comme deux pauvres camarades qui n'ont pas eu de chance dans la vie. Première lecture, lecture d'enfance. Les petits chiens et la rencontre. Deux contes du matin de Charles-Louis Philippe par Daniel Hivernel. Gérard Servet, Philippe Carminati, Roxane Machayeki, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.